voler comme la dit moins qu'en voler. Mais qui j'en pouvais faire, ma nous peut pas contrôler. Devant la tentation, ma nous peut pas résister. Oh yeah. Come again. Oh, oh yeah.